Ariane par André Theuriet. Georges de Sommières était parti de Paris dans l'intention de rejoindre à Florence sa belle amie, la comtesse Olivieri, avec laquelle il avait depuis 5 ans une liaison fort tendre. En route, il s'arrêta à Nice pour se reposer des fatigues du voyage et pour revoir quelques amis qui passaient la saison d'hiver. Sommières était un garçon de 30 ans, élégant, riche, aimable compagnon, très en dehors, avec une pointe d'exaltation romanesque qui ajoutait encore du charme à sa personne à une époque où l'enthousiasme devient une denrée de plus en plus rare. On le fêta beaucoup à Nice et il se laissa faire. À la veille de reprendre la chaîne quasi-matrimoniale qui l'unissait étroitement à Teresa Olivieri, il n'était pas fâché de boire le coup de l'étrier de la liberté et de se figurer pendant quelques jours qu'il jouissait de sa complète indépendance de célibataire. Il avait certainement encore une vive tendresse pour la comtesse Olivieri, mais son amour, après avoir débuté comme une grande passion, entrait dans cette période d'attiédissement où l'absence apparaît moins comme une privation douloureuse que comme une halte reposante. Teresa était une blonde vénitienne aux yeux noirs, souple et enveloppante, impérieuse et emportée, une de ces femmes dont on dit qu'elles ont d'exquis moments et de fichus quarts d'heure. Charnellement et intellectuellement, elle était une enchanteresse, mais l'enivrante odeur d'amour qui s'exhalait de sa chair ressemblait à la laine capiteuse de certaines fleurs exotiques. Elle entêtait et fatiguait ceux qui la respiraient trop longtemps. Loin d'elle, Sommières éprouvait un soulagement secret. C'était seulement lorsqu'il la revoyait que l'enchantement recommençait à opérer. Il se retrouvait lié à elle corps et âme. Teresa lui avait subtilement infusé dans les veines un filtre qui n'agissait pas trop à distance, mais qui faisait de Georges sa chose et son esclave dès que ses yeux rencontraient ceux de la magicienne. Donc, tandis que Sommières était à Nice, ses amis l'emmenèrent à une garden party que donnait un Américain dans une de ses adorables villas, dont les jardins descendent de la montagne à la mer, entre des massifs de citronniers et sous de luxuriantes tonnelles de roses. Invisible derrière des buissons d'azalées, un orchestre de tziganes jouait des tsardas. L'air était tout vibrant de musique, tout imprégné d'odeurs printanières. À travers la voûte des rosiers épanouis, on apercevait un ciel d'un bleu si savoureux qu'on aurait voulu pouvoir y mordre, et tout au fond, sous les verdures en arceaux, la mer scintillait, toute bleue aussi, avec des chatoiements de saphir. Ce fut dans une de ces allées fleuries que Georges de Sommières rencontra une jeune femme mince, frêle, blanche, aux yeux couleur de violette, aux merveilleux cheveux châtains tombant sur la nuque en un lourd chignon. À première vue, elle lui causa une impression très vive. De toute sa personne émanait un parfum de rafraîchissante poésie. Ses grands yeux étaient candides, confiant et pur comme ceux d'un enfant. Elle ressemblait à un de ces lys de montagne nés près des glaciers, dont la grâce sauvage et l'idéale couleur ont quelque chose de si virginal qu'on hésite à les cueillir. Sur la demande de Sommières, on le présenta à cette jeune femme qui était grecque d'origine et se nommait Hélène Michalis. Il ne la quitta guère de l'après-midi, usant de cette liberté de flirter qui s'accorde si facilement dans la société cosmopolite de la Côte d'Azur. Quand il le voulait, Georges était un causeur très séduisant, et cette fois, il mit toute son âme dans sa causerie. La jeune femme subit le charme de ce garçon spirituel et enthousiaste. Avec la spontanéité candide qui faisait le fond de sa nature, elle le lui laissa voir et ouvrit à son tour son âme ingénue. Quand ils se séparèrent, ils étaient déjà presque amis. Sommières demanda la permission de faire visite à Madame Michalis, et elle lui dit qu'elle était toujours chez elle de 5 à 7. Il y alla le lendemain, il y retourna le surlendemain. Il ne songeait plus qu'on l'attendait à Florence. Teresa Olivieri semblait s'être reculée dans une brume très lointaine où elle se noyait, submergée. Georges n'avait plus de pensée que pour cette frêle vierge byzantine aux yeux suaves et purs qu'il avait rencontrée sous les rosiers de Beaulieu. Il ne lui parlait pas d'amour, mais il mettait une si fonde en tendresse dans sa voix, dans ses regards, qu'Hélène Michalis ne pouvait s'y tromper et qu'elle-même se sentait gagnée par cette tendresse communicative. À chaque visite, elle accueillait Sommières avec un serrement de main plus confiant. Un soir, qu'elle le remerciait d'être venue et lui disait combien elle était touchée de ses attentions sympathiques, Georges ne put se contenir. Il attira à lui la jeune femme, la serra contre son cœur en lui avouant qu'il l'adorait, qu'elle seule lui avait fait comprendre ce qu'était le véritable amour et qu'il serait heureux de lui consacrer sa vie. Avec un mouvement impulsif d'enfant câlin, Hélène laissa tomber sa tête sur l'épaule de son amoureux et répondit, sincèrement émue : « Moi aussi, dès le premier jour, je me suis senti attiré vers vous, je ne demanderai pas mieux de vous appartenir. Mais je ne suis pas libre, hélas. Je suis marié, en Roumanie, à un homme que je déteste et dont je suis séparé à l'amiable. Ne pouvez-vous divorcer ? J'ai toujours répugné, à cause de ma famille, qui craint le scandale d'un procès. La vie est mal faite, soupira Sommière. Pourquoi ne nous sommes-nous pas rencontrés 5 ans plus tôt ? Et la confiance de Madame Michalis, le rendant plus expansif, il lui avoua l'histoire de sa liaison avec la comtesse Olivieri. « Vous le voyez ? » dit-elle en terminant. « Moi aussi, je suis quasi mariée. Mais quoi qu'il m'en coûte de faire de la peine à une ancienne amie qui m'aime encore, je n'hésiterai pas à rompre, parce que désormais, je ne puis plus aimer que vous. » Si ingénue qu'elle soit, une femme reste toujours femme. Quand Hélène Michalis sut qu'elle avait une rivale exigeante et passionnée, il vint un impétueux désir de régner seule sur le cœur de Georges de Sommières. Cette poussée de jalousie modifia les dispositions de son âme et lui fit envisager l'avenir avec moins de résignation. Bref, elle se laissa fléchir et promit de demander le divorce. Georges, de son côté, jura d'employer le temps que dureraient les formalités judiciaires à préparer et à consommer une rupture définitive avec Teresa Olivieri. Hélène partit sur le champ pour Bucarest et, comme bien on pense, Sommières se garda de poursuivre sa route vers la Toscane. Il rebroussa chemin en se contentant d'écrire à la comtesse une lettre d'excuse où il la prévenait que des affaires urgentes l'obligeaient à retourner à Paris. Il connaissait trop bien l'humeur de Teresa pour lui révéler brusquement le nouvel état de son cœur. Il la savait femme à venir lui demander raison de son oubli, et il voulait à tout prix éviter un combat corps à corps dont il craignait de ne pas sortir vainqueur. Il préférait mener les choses en douceur et ne frapper le grand coup que lorsqu'il serait sur le point de se marier. Il espaçait prudemment sa correspondance, parlait longuement des affaires qui devaient le retenir en France jusqu'à la fin de l'automne, et s'ingéniait à transposer peu à peu le ton de ses lettres, de manière à y substituer progressivement la note amicale à la note amoureuse. Mais on trompe difficilement une femme qui aime. Cette transposition ne fut pas du goût de l'ardente comtesse. Elle se cabra comme un cheval qui flaire une embûche, reprocha à Sommière la froideur de ses épîtres, devint soupçonneuse et menaça d'accourir à Paris. Elle allait mettre sa menace à exécution quand Georges reçut enfin un billet d'Hélène, lui annonçant que tout était terminé, qu'elle rentrait libre à Nice et qu'elle y attendait. Sommière résolut de mettre immédiatement fin à une supercherie qui lui répugnait. Dans une lettre pleine de ces précautions délicates qu'un galant homme s'est employé pour rompre avec une femme, il avoua à Teresa qu'il était sur le point de se marier. Tout en implorant son pardon pour la rupture d'une liaison dont il conserverait le plus cher souvenir, il exprimait l'espoir que tout en devenant moins tendre, leur relation n'en garderait pas moins un caractère de sérieuse et cordiale amitié. Une fois cette confession terminée, il prit l'express de Nice et le lendemain soir, il serrait dans ses bras sa blanche fiancée aux yeux de Violette. Il la retrouvait libre, heureuse, aimante et tout en pressant les préparatifs du mariage, ils savouraient tous deux en de longs tête-à-tête cet attendu bonheur qui est plus délicieuse que le bonheur lui-même, quand Sommière reçut la réponse de Teresa Olivieri. « La nouvelle de votre mariage, écrivait-elle, a été pour moi comme un féroce coup de couteau. J'ai cru en mourir. Pendant 24 heures, j'ai crié ma peine et ma colère au mur de ma chambre. Ainsi donc, c'est donc fini, fini à tout jamais. Ah, cruel, vous me tuez. Dans mon agonie, je m'efforcerai du moins de ne pas vous ennuyer de mes plaintes. Soyez heureux, puisque vous pouvez l'être sans moi. Pour le prix de tout l'amour que je vous ai donné, je ne vous demande qu'une grâce. Et si vous avez un peu de pitié, vous ne me la refuserez pas. Je veux vous revoir avant l'éternelle séparation. Une heure seulement, le temps de vous serrer une dernière fois la main, et ce sera tout. Après, j'irai me terrer dans un coin comme une bête malade, et vous n'entendrez plus parler de moi. » Sommière, très ennuyée, communiqua cette supplique à sa fiancée. « Je ne répondrai pas, » déclara-t-il. Mais Hélène était trop sûre de l'amour qu'elle inspirait pour ne pas se montrer généreuse. Avec sa native et confiante candeur, elle s'écria, apitoyée. « Pauvre femme, vous ne pouvez lui refuser cela. Partez pour Florence, mais n'y restez qu'une journée et songez que je vous attends. » Bien que moins confiant que Madame Michalis, Georges était si sérieusement épris qu'il se croyait désormais invulnérable. Il partit le soir même et le lendemain à midi, il frappait à la porte de son ancien ami. On l'introduisit dans un salon où Teresa, prévenue, accourut en robe du matin, palpitante et les cheveux à peine noués. En le voyant, elle poussa un cri, se jeta à son cou, le mouilla de ses larmes, l'enveloppa de sa chevelure éparse et le serra dans ses bras. Des bras souples, caressants et forts, qui ne lâchaient plus leur proie. Pendant ce temps, Hélène Michalis attendait son fiancé et comptait les heures. Hélas, des jours, des semaines s'enfuirent, et Georges de Sommières ne reparut plus. Thérèse et Olivier y avaient ressaisi son bien, et, sûre de vaincre du moment où elle tiendrait l'infidèle à portée de ses lèvres, sous le rayonnement de ses yeux, elle l'avait emmené dans un coin perdu des Apennins, où, comme la déesse de Vénusberg, elle prodiguait à Santa Teresa les caresses endormeuses qui font tout oublier. Honteux de sa défaite, Sommières n'osait même pas avouer sa faiblesse à la fiancée qui l'attendait toujours, ne pouvant croire à un aussi injurieux abandon. Elle l'attend encore dans sa villa des Lauriers, située à mi-côte de ce vallon de Saint-Barthélemy, si solitaire, verdoyant et mélancolique, l'endroit le mieux en harmonie avec la tristesse des regrets stériles et l'amertume des renoncements. Elle y vit cloîtrée et ne reçoit personne. Un soir, on me l'a montré se promenant au bord d'une terrasse qu'abrite des pins parasols, frêle, mince et blanche en ses vêtements noirs, portant le deuil de son amour trahi. Elle marchait, éclairée par les rougeurs mourantes du soleil couchant. Parfois, elle s'accoudait à la terrasse et, pareille à Ariane, sur les rochers de Naxos, elle contemplait d'un regard désolé, par-delà les premiers plans déjà noyés dans l'ombre, la mer glacée de bleu et d'or, qui fuyait vaporeuse vers bord d'Ighera, vers cette Italie où son fiancé s'oubliait dans les bras charmeurs de Teresa Olivieri. Ainsi s'achève Ariane par André Theuriet.